Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 29.0. Au moment d'écrire ces lignes, mes doigts peinent à taper sur mon clavier. C'est lundi matin et j'attendais dehors pour prendre mon train qui m'amène en ville. Et il semble que mes gants n'offrent pas une protection suffisante en ce beau lundi ensoleillé où il fait moins 20. Mais c'est ça l'hiver, mes doigts vont dégeler au printemps, je m'en fais pas. Et cette semaine, je ne travaille que le lundi, donc je peux pas me plaindre. Déjà le mois de février qui se pointe le bout du nez et j'ai vraiment pas assez fait de ski de fond encore. J'en ai seulement fait au chalet. À la maison, les conditions n'ont été bonnes que la journée de la tempête. Et encore là, seulement pendant 2 jours, jusqu'à ce que le verglas et le réchauffement viennent tout gâcher. Mais j'ai remarqué que c'est de plus en plus ça. Pour faire du ski de fond dans la région montréalaise, il faut de plus en plus attendre fin janvier pour avoir de belles conditions. Donc j'espère que les conditions météo vont me permettre de sortir mes skis quelquefois encore cet hiver. En ce moment, je jongle avec l'idée de descendre au chalet dès demain mardi ou de rester chez moi et d'aller faire du patin à Ottawa. Ça fait longtemps que j'ai pas été faire du patin sur le canal Rideau. De mémoire, je pense qu'il y a 7 km de glace quand on part du début, proche du Parlement. Quand j'y habitais pour mon stage, j'y allais très souvent. J'avais passé l'hiver à patiner et je me rendais au bout où il y a un lac où je prenais un chocolat chaud qui était extrêmement mauvais mais qui avait tout de même l'avantage de me réchauffer. Donc, je vous en reparle. D'ici la fin de ce Lobster, vous allez soit entendre une histoire de patin et de visite de musée à Ottawa ou une histoire de ski de fond. Je vais jongler avec l'idée, je ne suis pas encore fixé. Mon problème est qu'il nous annonce une tempête pour lundi soir qui doit s'étendre jusqu'à mercredi. Et je ne veux pas m'envoyer dans le parc des Laurentides avec du mauvais temps. Je me suis tapé la bruine verglaçante lors du dernier retour. Je vais donc essayer de me choisir une journée qui fait du sens pour voyager. Je pourrais partir mardi pour le Saguenay, mais je me demande ce que je vais faire durant toute la semaine. C'est bien beau la raquette et le ski, mais après, en hiver, c'est plus limité au chalet. Il doit y avoir 12 pieds de neige autour du chalet, donc je vais voir. Je pourrais bien sûr aller à la pêche blanche. J'arrête pas de voir dans Facebook des photos des gens de ma parenté qui vont pêcher et qui attrapent des grosses morues. Sur une des photos, ils ont attrapé 3 à 4 morues de plus de 10 livres, alors que la plus grosse, je crois que c'est 21 livres. Puis on voit la personne qui la tient à 2 bras tellement elle est grosse. Donc c'est l'hiver, je vais m'ajuster à la température pour voyager sécuritairement. Et sinon, eh bien, je vais rester chez nous. Je peux faire de la peinture. Ce week-end, je suis justement allé m'acheter une nouvelle toile vierge de 4 pieds par 3 pieds. Et là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sorte de peinture que j'avais pas. C'est un genre de couleur transparente qui vient rajouter comme du brillant bleu, rouge ou jaune, selon le tube choisi. Quelqu'un qui fait des lacs, par exemple, pourrait ajouter cette peinture par-dessus son eau bleue et cela lui donnerait un petit teint brillant. J'ai parlé avec les 2 filles qui travaillaient chez Homer Dessert et les 2 m'ont dit que ça fonctionnait bien, mais que c'était pas nouveau, que ça existait déjà dans une couleur un peu plus chère. Mais dans la sorte que j'achète, qui a un prix plus raisonnable, c'est effectivement nouveau. Donc évidemment, je suis parti avec des tubes de cette nouvelle couleur et j'en ai essayé sur ma toile en cours à la maison et effectivement, c'est subtil, ça rajoute un peu de teinte brillante. Évidemment, je ne sais pas pourquoi j'achète encore de la peinture. Je me souviens pas si je vous l'ai déjà compté, mais j'ai des milliers de tubes de peinture chez moi depuis que j'ai acheté le stock d'un magasin qui fermait. Je m'étais dit que j'achèterais plus de peinture après ça, mais bon, j'aime trop essayer des nouveautés et avoir des peintures aux textures différentes. Donc, je continue à en acheter de temps en temps. Bon, un petit peu de musique avant de poursuivre avec ce Lobster d'hiver. L'autre jour, j'étais à ma caisse en train de rouler des scènes noires pis qui ont tiré d'élastique. Une grosse madame qui rentre dans le magasin. La madame, elle va dans le papier de toilette pis elle ramasse 8 rouleaux. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, ben, j'achète du papier de toilette et pêche. J'ai dit, ben oui, mais vous n'en avez pas besoin de 8 rouleaux. C'était pas pris de tous les jours. Elle dit, ben, chez nous, madame, on est 6 pis on chie tous les jours. La madame était pas contente. Fait qu'elle a dans notre été acheté au Club Price à la place. C'est ça, Walmart! Walmart! On donne des jobs à du monde qui n'en aurait pas autrement. Puis on leur fait faire nos annonces pour sauver de l'argent. Monsieur, pourquoi vous voulez une caisse de canne box? D'écouter Demon Are a Girl Best Friend, c'est de l'album Sacrament of Sin du groupe Power Wolf. C'est mon album préféré du moment, dont plusieurs chansons se retrouvent dans nos lobsters depuis la sortie de l'album. Je me disais tantôt qu'avec un peu de chance, si dans les pays nordiques l'humain avait évolué comme les ours, on n'aurait pas à subir les caprices de Dame Hiver. Imaginez si on pouvait hiberner quand l'hiver approche. On se couche dans notre lit et on hiberne jusqu'au printemps. C'est pas une bonne solution, ça, pour le réchauffement climatique? Imaginez si tous les humains qui ont une vraie saison hivernale hibernaient. On réduirait sûrement nos émissions de carbone durant la période d'hiver si on dormait tous. On consommerait moins de nourriture. On ferait pas rouler nos voitures l'hiver. Pour la planète, que des avantages. Mais pour les fans des Canadiens, c'est sûr que c'est moche un peu. Comme les joueurs des Canadiens semblent bien réveillés cette année, ça serait moche de les obliger à hiberner. Et qu'adviendrait-il du Festival de la neige de Montréal? Ils l'annuleraient? Bon, c'est un mauvais exemple. Cette année, ils l'ont annulé. Le Festival de la neige a été annulé parce qu'il neigeait. Montréal a fait rire d'elle à l'international car elle a annulé son Festival de la neige à cause de la neige. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais il me semble qu'on tient là une bonne idée de livre et de film. On aurait donc dans notre histoire les humains des pays nordiques qui hibernent. Et ceux des pays plus chauds? Eux, ils font quoi? Ils font la fête? Non, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils auraient de particulier? Sûrement de quoi de nocif, car c'est vraiment le froid qui nous protège des serpents, des scorpions et autres créatures qui supportent pas le fret. Donc, pour le bien de l'histoire qu'on est en train d'écrire, les humains des pays plus chauds seraient donc belliqueux, alors que nous, les Nordiques, on va se donner le beau rôle des gentils. Évidemment, quand la période froide arriverait, pour nos belliqueux du sud, ça sonnerait le début des croisades, période où ils tentent de nous envahir pendant qu'on dort. Mais heureusement, les Nordiques ont laissé une gang éveillée, un groupe appelé la Meute, qui eux, gavés d'alcool pour empêcher leur organisme de s'endormir, protégeraient nos frontières en patrouillant sur un gros mur que notre président aurait fait construire. Et c'est là que Frella, notre héros, arrive en scène. La mère de Frella, une femme de Chute aux Outardes sur la Côte-Nord, lui aurait longtemps caché ses origines paternelles, un homme du chaud, un haïtien de Petit Goave. C'est là qu'à l'adolescence, le corps de Frella commence à sécréter une hormone éthylique à faible teneur en alcool qui fait qu'il n'a pas besoin d'hiberner. Un peu comme les grenouilles qui, pour pas geler en hiver, sécrètent un genre d'alcool dans leur corps qui les protège du gel. Donc, début de l'adolescence, Frella sécrète de quoi du genre et à sa grande surprise, quand l'hiver approche, il ne ressentira pas l'appel du grand sommeil. Et c'est durant ce premier hiver d'adolescence qu'il fera la connaissance des autres. Un petit groupe d'ados qui, comme lui, sont dans les premiers à avoir les gènes de cette évolution qui fait qu'ils ne dorment pas pendant l'hiver. Bien sûr, ils ne sauront pas beaucoup et ils lui diront qu'il doit garder le secret, sur cette condition particulière. Il se joindra donc à eux pour passer l'hiver et essayera de découvrir les particularités les ayant menés à cette évolution. Pis c'est aussi là que Frilla fera la connaissance de Christelle, elle aussi une des ados évolués, une gothique colérique au grand cœur qui, malgré leurs goûts vestimentaires et musicaux radicalement opposés, finiront par développer une attraction mutuelle, un peu comme dans Twilight. C'est là, au cours de ce premier hiver qui se passe dans un calme relatif, que les gens de la meute vont venir tout troubler. Défenseurs des frontières durant l'hiver, mais obligés de boire de grandes quantités d'alcool pour maintenir artificiellement le taux d'alcool nécessaire dans leur sang pour ne pas déclencher le processus d'hibernation, ils vont s'en prendre au groupe d'ados évolués, convaincus qu'ils détiennent le secret pour rester éveillés. Donc, c'est là que l'action du livre prend pour de bon. La meute ayant mis la main sur des rapports médicaux qui les met sur la piste des évolués. Ils en ont après Christelle qui croit pouvoir donner naissance à une progéniture qui n'a pas besoin de dormir durant l'hiver. Là, il y a un chassé-croisé entre les deux groupes. Christelle est attrapée évidemment par la meute. Frilla réunit les ados évolués pour la libérer. Bataille, explosion, avec des scènes grandioses de combat sur le mur où les ados évolués lancent leur attaque au même moment où les belliqueux du sud s'attaquent au mur. Puis là, la meute, pris en souricière, finira par perdre le contrôle du mur, ce qui laissera le temps à Frilla de délivrer Christelle. Mais le twist, c'est que tous les ados évolués sont confrontés aux gens du sud qui ont enfin conquis le mur protégeant les frontières nordiques. Et là, coup de théâtre, qui est le chef des gens du sud? C'est le père de Frilla, le prince Juju, notre haïtien de Port Goab. Et ça finit par une belle scène où on apprend qu'il voulait juste revenir dans le nord pour revoir la mère de Frilla. Puis là, ils se réunissent puis ils quittent tous ensemble pour le Lagon Bleu où leur vie devient idyllique. Voilà, je devrais écrire le livre en 2019 et le film devrait sortir en 2020. Ben, va vous lire une lettre que j'ai écrite au bureau des plaintes à Ottawa au premier ministre. Cher premier ministre, je suis en train de renouveler mon passeport, j'en reviens pas encore. Comment se fait-il que Radio Shack a mon adresse, mon numéro de téléphone, et ils savent que j'ai acheté un câble chez eux, un câble pour matinée en 1997, puis que le gouvernement fédéral me demandait encore où je suis né et à quelle date? Si, ouais, faites-vous des passeports à mitaine, ma date de naissance, vous l'avez sur ma carte d'assurance sociale. Sur toutes les astuces de déclaration d'impôts que je vous fais depuis 40 ans, sur ma carte d'assurance maladie, sur mon permis de conduire, sur les 8 sacrements de passeport que j'ai eus avant, sur toutes les petites crises de cartes d'embarquement que j'ai remplies avant de prendre l'avion depuis 40 ans, et tous les ciboires de recensement que vous faites avant les calvaires d'élection. Quelqu'un peut-tu prendre note une fois pour toutes, astie? Ma mère s'appelle Suzanne, mon père s'appelle Camille, puis ça m'étonnerait que ça change avant que je crève, câlisse. Excusez-moi, monsieur le premier ministre, je me suis pompé en crise ce matin. Entre vous et moi, ça va faire, hostie. Vous m'envoyez chez moi, la demande chez moi, et puis vous me demandez mon adresse, tabarnak, à vous une gang de Mongols à votre service. Regardez ma photo, hostie, j'ai-tu l'air d'un Ben Laden? Je ne veux pas les déterrer Yasser Arafat, si moi, je veux juste aller me chauffer le cul au soleil, tabarnak. Puis, qu'est-ce que ça veut bien vous connaissez que je visite une femme dans les 15 prochains jours, si jamais l'envie me pogne d'enculer une chèvre ou de frencher une petite poule me prend, soyez certain que je le dirai à personne. Là-dessus, je dois vous laisser parce que je dois aller obtenir un autre petite copie. Certificat de naissance à l'autre bout de la ville. C'est-tu trop compliqué d'avoir toutes les hosties de service au même endroit pour faciliter la livraison d'un nouveau passeport le même jour? Ben non, Carlis. Vous aimez mieux qu'on court aux quatre coins de la ville comme des hosties de poule pas de tête. Puis, en plus, il faut trouver un hostie de bozo pour qu'il confirme que c'est bien moi sur l'hostie de photo de passeport où on n'a pas le droit de sourire. Je comprends, Carlis, qu'on ne sourise pas. On est en tabarnak. On est en tabarnak. On est en tabarnak. Oh, between the bombs. The curtain falls tonight. Over the ruins and tombs, we dance to celebrate our history and fate. We're shining to exist, and justice and hatred will make us fall in the night. Dance with me, dance. Yeah, burning bright flow inside you. Whoa. Dance with me, dance. You recognize the light inside you. Trust me, you'll be starry-eyed. To dry out your sorrow. Thunderstorm had just begun. I can't wait to see your wings burning warm under my eyes and feel alive. Dance with me, dance. Yeah, burning bright flow inside you. Burn deep. Finalement, mardi, je suis parti pour Ottawa. Il faisait beau et je me suis rendu directement au Musée de la nature. Ce musée est ouvert tous les jours sauf le lundi, donc attention de ne pas vous rendre là le lundi. J'avais pas vérifié avant de me rendre et heureusement, c'était un mardi. Donc, rendu sur place, on m'a offert d'aller voir immédiatement l'exposition Papillons en vol. C'était magnifique. C'est comme une grosse serre remplie de jolis papillons de toutes les couleurs. Les plus beaux ont un beau bleu brillant sur le dos, donc c'était un bon début pour ce musée. En passant, j'ai tout filmé ma visite, il me reste qu'à faire le montage, je pourrais vous mettre le film sur YouTube pour ceux qui désirent faire la visite avec moi. Je mettrai le lien aussi sur la page Facebook du Lobster dès que c'est prêt. Donc, au musée, après la visite des papillons, je suis allé voir la section des fossiles et des squelettes de dinosaures. C'est une des plus belles sections du musée. Si vous avez des enfants, ils vont adorer. Il est possible de voir des squelettes de toutes les tailles et de toutes sortes de dinosaures. Certains trop gros sont suspendus au plafond au-dessus de nous. C'est très impressionnant. Bon, je ne veux pas m'étendre trop sur les différentes sections du musée. Il y en a plusieurs, il y en a pour tous les goûts. Sur un étage, vous allez pouvoir voir tous les animaux empaillés, tous les oiseaux possibles qu'on a au Québec. Un autre étage est pour l'Arctique, donc il y a plein de choses à voir, le tout parsemé d'activités pour les enfants. Mais la section que je veux vous parler, c'est l'étage qui est consacré à la Terre. Ça a été ma section favorite. C'est l'étage où ils expliquent comment les forces géologiques ont façonné notre planète, mais le clou de cet étage, c'est leur immense collection des spécimens de roches, de minéraux et de fossiles. Sans blague, c'est vraiment impressionnant. Et ils ont des météorites qui brillent à la lumière et qui sont incroyablement belles. Aussi, ils doivent avoir tous les minéraux qui existent sur la Terre. Leur collection est immense et vraiment bien présentée. Mon cerveau faisait des « wow » tous les 10 secondes. Évidemment, comme c'est un musée, ils ont des exemplaires qu'un collectionneur de minéraux amateur aurait de la misère à se procurer. Toutes les pièces sont tellement belles. Juste pour cette section, la visite du musée vaut la peine. Mais bien sûr, il faut aimer les roches. Chez nous, on aime ça. Ça fait des années qu'avec les garçons, on se promène un peu partout pour trouver des fossiles. Et autour de Montréal, il y a plusieurs beaux sites. On en a trouvé plein de beaux. Et même sur l'île Perrot où j'habite, à la pointe du Moulin, le bout de notre île, il y a un endroit où on va et où on peut casser des roches qui sont vraiment friables et où on trouve plein de fossiles à l'intérieur. Mais là, au musée, ce que j'ai appris, c'est qu'au Mont-Saint-Hilaire, on a un des meilleurs sites pour trouver des minéraux. Ce qu'on peut lire sur le site du Mont-Saint-Hilaire, c'est qu'on peut y trouver plus de 350 minéraux, dont 40 qui sont exclusifs à la montagne. Parmi ceux-ci, la hilarite, un prisme vitreux brun. Peu d'endroits au monde contiennent autant de minéraux différents dans un si petit espace. La réserve minérale du Mont-Saint-Hilaire représente 10% des minéraux de la planète. C'est ce qu'on peut lire sur leur site. Donc, je nous ai acheté un beau livre à la boutique du musée qui permet d'identifier les minéraux. Cet été, c'est sûr qu'on va partir en expédition sur le Mont-Saint-Hilaire. Mon plan est de monter dans les sentiers pendant un bout de temps et après de marcher en forêt et de fouiller le sol. J'ai vu que le club de minéralogie de Montréal organise plusieurs sorties organisées sur le Mont-Saint-Hilaire pour aller ramasser des minéraux. Donc, si jamais tout seul, nos recherches ne sont pas fructueuses, alors on s'inscrira dans une sortie avec le club. Mais je ne doute pas qu'on va trouver de quoi par nous-mêmes. L'avantage du club est probablement qu'ils connaissent des spots pour les différents minéraux, mais c'est toujours le fun de découvrir par nous-mêmes. La surprise est encore plus belle. Donc, on va acheter un ou deux marteaux de géologie et y aller cet été. Voilà, c'est à ça que ça sert les musées, nous donner le goût de faire des choses du genre. Évidemment, quand j'en ai parlé à mon plus jeune garçon, il était tout emballé, il a déjà hâte d'y aller. Pour ceux qui iront visiter le musée de la nature, ne manquez pas d'aller dans leur boutique, ils vendent plein de beaux minéraux à des prix vraiment très bas. Pour 12$, tu peux avoir des échantillons que tu tiens à deux mains et qui sont vraiment magnifiques. Moi, je me suis retenu d'en acheter car j'ai prévu retourner au musée avec mes garçons, donc ils s'en choisiront eux-mêmes. Parlant de minéraux, un autre beau spot qui vaut le détour, c'est Cristal du Lac. Vous pouvez chercher sur Internet, ils ont un site. C'est une mine de prospection à ciel ouvert où tu peux trouver des cristaux de quartz. C'est au lac Saint-Jean, à Métabetchouan, au lac à la Croix. Nous, on y est allé en été il y a quelques années, on est allé deux fois au moins, et on est revenu avec une roche qui a des centaines de cristaux dessus et qui doit peser 10 livres. Bon, quand tu visites le site, c'est une visite organisée et chaque personne a le droit de ramener environ 100 grammes de cristaux. Ça, tout le monde en trouve. C'est le fun à chercher, la mine est à ciel ouvert et tu creuses et fais de belles découvertes après avoir écouté les explications là, qui nous donnent sur le site. Mais nous, avant de partir, on parlait avec le propriétaire et prospecteur, celui qui a découvert le gisement, et il nous montrait ce qui venait de sortir de la mine. Et évidemment, comme on trouvait ça beau, je lui ai offert d'acheter son plus gros morceau qui venait de sortir. Je vous mettrai la photo sur Internet. Je me souviens pas combien il m'a vendu ça, un prix ridicule, car on y est retourné dernièrement, il y a deux étés je crois, et le prix de ces belles roches est vraiment rendu au prix du marché, là ça coûte des centaines de dollars. Ils font aussi des bijoux avec maintenant, donc je crois qu'ils ont décidé de tirer le maximum de leur mine, mais heureusement, nous on a acheté cette pièce unique dans les débuts, donc on n'a même pas payé 100$. Donc je vous mets la photo dans Facebook pour les curieux. Sinon, après ma visite du musée, j'ai laissé ma voiture dans le parking du musée et j'ai marché jusqu'au canal Rideau, qui est à environ 5 minutes. J'avais emmené mes patins. J'ai donc été faire un tour. Je me disais, je vais me rendre au lac au bout du canal Rideau pour prendre un chocolat chaud. Mais bon, j'ai pas pu patiner bien longtemps, car j'avais eu une bonne idée avant de partir de chez moi. J'avais décidé de limer moi-même mes patins. Comme j'ai une meule au diamant dans mon garage, je me suis dit que j'avais juste à regarder comment faire sur YouTube et limer moi-même mes patins. Ce que j'ai fait, mais bon, le résultat est que j'ai probablement gâché la lame de mes deux patins. Je vais devoir aller les faire remettre correct par un professionnel. Donc, quand je patinais, c'était vraiment dur, je manquais de tomber, mes patins n'avaient pas une coupe pour patiner. La seule fois où j'ai réussi à lever les yeux pour regarder deux jolies filles qui patinaient, j'ai manqué plongée par terre. Donc, après ça, je suis reviré et retourné ôter mes patins. Voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo dès que c'est prêt. Mais je vous invite à aller visiter ce beau musée de la nature cet été avec vos enfants. Je vous garantis qu'ils vont adorer. Petit ou grand, c'est pour tous. Et si vous y allez durant l'été, sur la rue O'Connor, je crois, rue qui permet de se rendre au musée et qui est direct devant le Parlement, il y a des vendeurs de rue de hot dogs. Et ça aussi, ça vaut le détour. Ce sont les meilleurs hot dogs extérieurs que j'ai mangés. Je sais pas la saucisse est faite avec quoi, mais ils sont délicieux. Quand j'étais en stage, c'était mon dîner favori. Donc, il suffit d'en spotter un pour vos dîners. J'en ai pas vu en y allant, mais je pense que c'est juste l'été. Quand je suis allé visiter le musée de la Monnaie avec mes parents il y a quelques années, on en avait remangé et c'était toujours aussi bon que dans mes souvenirs. Voilà, on part en musique et au retour, on parle de mon voyage au Saguenay. Thank you. mon voyage au Saguenay. Je suis parti jeudi passé pour le Saguenay, je descendais pour le décès de ma grand-mère paternelle. Jeudi, c'était une journée pas si mal pour faire le voyage. Le parc était glissant, mais on avait au moins une voie qui était pas si mal. C'est drôle parce qu'en arrivant à Québec, la route avait été correcte jusque-là et je regardais vers le parc des Laurentides et je voyais des immenses nuages au-dessus du parc. Je me disais, ça va être encore une belle expérience de le traverser et finalement, non, ça a été pas si mal. J'ai bien sûr croisé des gens qui avaient pris le clos, mais je roulais pas trop vite pour traverser cette zone d'aberration climatique. Rendu au Saguenay, la première chose que j'ai fait et qui a été le clou de ma visite, c'est que je me suis rendu au marché de livres usagés sur la rue Sainte-Anne à Chicoutimi et ouf! Yeah, baby! La dame qui achète des livres depuis des années avait été aux ventes des bibliothèques de Chicoutimi et de la baie, donc elle avait une tonne de BD en vente qu'elle vendait 1$ chaque. J'en ai acheté pour 110$. J'avais 104 BD que j'avais pas. J'étais vraiment content, c'est tellement pas cher, donc j'ai oublié mes résolutions de lire mon stock de BD non lu avant d'en racheter des nouvelles. Mes armoires sont pleines dans la maison, donc on oublie les bonnes résolutions. Sinon, tradition oblige, j'ai entendu à la radio, quand j'étais au Saguenay, qu'Ernest, aux Eaux de Saint-Félicien, n'a pas vu son ombre. La petite bête prédit donc un printemps précoce. Mais particularité, Ernest n'est pas une marmotte comme ailleurs. Non, aux Eaux de Saint-Félicien, ils utilisent une moufette depuis 20 ans. Et j'ai l'impression qu'elle a vu juste ce matin où je termine l'enregistrement du Lobster. Ce mardi 5 février, il fait 5 degrés dehors, donc la neige fond déjà. Non, sans blague, c'est le fun de cette belle température aujourd'hui, c'est comme un break dans l'hiver. Sinon, bonne nouvelle pour le chalet, on va sûrement avoir un four à pain cet été. On a découvert de l'argile sur le lot à bois de mon oncle. Son lot est juste en face du nôtre et en creusant un chemin avec sa pelle mécanique, il a mis à jour un gros gisement d'argile. Comme nous, on cherchait de l'argile depuis un bout, on était bien contents. On va pouvoir aller s'approvisionner. On va pouvoir aller s'approvisionner là pour nos projets. Et le four à pain est un de nos projets. Et en parlant de ça durant le week-end avec des gens de ma famille, mon oncle Yvan nous a dit que les étudiants de l'école où son garçon est directeur avaient comme projet final de faire des portes de four à pain. Et pour payer les matériaux et tout, les portes étaient en vente. Il en restait deux à vendre. Les autres étaient déjà vendues, donc on lui a dit qu'on en prendrait une. Il est donc allé nous la chercher lundi. Donc on a une magnifique porte faite spécialement pour les fours à pain. C'est une grosse porte en je sais pas quoi, de quoi qui rouille pas, et les étudiants ont même fait des gravures dessus. La porte est comme noire et il y a des quenouilles argentées sur le devant. Ça va être super beau. En plus, une porte de four à pain, c'est dur à trouver. Là. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver en vente dans les magasins. Donc, on est bien content que cette école-là en vende au public comme nous. Donc cet été, on va se faire une base pour accueillir le four et ensuite, on va suivre les recettes sur YouTube pour en faire un. Il faut mélanger de l'argile avec de la paille. C'est avec ça qu'on va faire la forme du four. Je pense que la paille est là pour que l'argile ne craque pas quand on va le chauffer là, pour qu'il se transforme en céramique. J'ai bien hâte d'essayer. Le four va pouvoir sûrement cuire des pizzas, du pain et autre chose qu'on veut. Lentement mais sûrement, on est en train de s'installer comme il faut au chalet. Voilà, c'est pas mal ça pour ma visite au Saguenay. On part en musique, on écoute le groupe Horloge Simard. C'est un groupe de la baie qui était en spectacle pendant que j'étais au Saguenay. C'est un groupe baie-riverain qui est un peu vulgaire et humoristique dans ses chansons. On en écoute une de leurs chansons. Dans ma cabane à pêche, au mois de janvier. Dans ma cabane à pêche, viens te réchauffer. Attention mes amis, voici un grand pêcheur qui a le poisson de tatouer sur le cœur. Dans ma cabana, dans ma cabana, dans ma cabana, ma cabana pêche. C'était au mois de janvier. Je voulais absolument aller pêcher. Mais j'étais tout seul, un peu seul au monde. Il fallait que je m'amène une petite blonde. Dans ma cabane à pêche, la solitude. Dans ma cabane à pêche, sa peau était longue, j'ai pogné une petite pelote. Elle s'appelait Karine, puis elle venait de Bagotte. On s'est rencontrés à l'aventurier, puis j'ai demandé, viens-tu avec moi, moi, moi, moi, moi, dans ma cabane à pêche. On va se faire du fun, dans ma cabane à pêche. J'ai une bouteille de rhum, dans ma cabane, dans ma cabane, dans ma cabane, dans ma cabane, dans ma cabane à pêche. Dans un coin de ma belle cabane, t'es vraiment une fille de brosse, à la façon que tu me crosses. Elle répond, ouais, je le sais, j'suis meilleur quand j'suis gelé. Comme d'habitude, à l'aventurier. Et pendant qu'elle mastique, elle renord en pompant de plus en plus fort. J'l'ai comparé à un éperlin qui s'agrippe à mon hameçon, comme avec cette belle pipe. T'as-tu talent, tu se sens sacrement. Attention mes amis, voici un grand pêcheur qui a le poisson de tatouer sur le cœur. Dans ma cabana, dans ma cabana, dans ma cabana, ma cabana, ma cabana pêche. Et après avoir astiqué mon gros monnaie, elle s'est allongée sur le plancher. J'ai pris en main mon délicieux bat pour l'enfoncer dans sa petite chatte. Puis ça rentrait d'un coup comme une marmotte dans son trou. Et à peine quelques minutes plus tard, il était à peu près 2 heures moins quart. En allant et venant avec mon antenne, de sa flotte a jailli une vive fontaine. Elle m'a aspergé de son liquide de fée. J'ai sursauté et comme une couenne de l'or, ma queue dévia de sa trajectoire pour finalement atterrir dans le trou de pêche. J'avais le pénis dans l'eau glacée. Dans ma cabane à pêche, j'ai sorti ma bite du trou de pêche. J'ai pogné une truite. Dans ma cabane à pêche, j'ai éjaculé. Dans ma cabane à pêche, il y avait de la dèche. Partout sous mes murs, jusque dans mes chaussures. Dans ma cabane à pêche, ta flotte sentait le caplan. Mais c'est pas grave, moi aussi j'ai le caplan. Voici un grand pêcheur qui a le poisson de tatouer sur le cœur. Oh, je suis rentré dans cette agace avec la puissance d'un brise-glace. Dans ma cabane à pêche, dans ma cabane à pêche, dans ma cabane à pêche, au mois de janvier. Dans ma cabane à pêche, dans ma cabane à pêche, dans ma cabane, dans ma cabane, Grise. 2019 sera une année placée sous le signe du cochon de terre pour être parfaitement exact. Et oui, en ce beau 5 février 2019 où sort ce Lobster 29.0, c'est le nouvel an chinois, c'est l'année du cochon de terre. Le cochon, c'est le 12e animal du zodiaque chinois, le dernier du cycle. Pour tous ceux qui ne sont pas nés en janvier ou février des années que je vais nommer, vous êtes sous le signe chinois du cochon. Donc, si vous êtes né en 1947, 59, 71, 83, 95 ou 2007, alors il s'agit de votre année. L'année 2019 sera-t-elle une bonne année pour les cochons? Si on se réfère à l'astrologie chinoise, les cochons rentrent en opposition avec le Tai Shui, dieu de l'âge en mythologie chinoise qui porte la guigne. Pour cette raison, au cours de l'année 2019, les cochons devront rester vigilants en ce qui concerne tous les aspects de leur vie. Donc, d'après moi, ça veut dire que ce ne sera pas trop une bonne année pour les cochons. Mais le zodiaque, ça vaut ce que ça vaut, c'est plus folklorique que d'autres choses, mais c'est amusant à entendre et à lire. Donc, comme ça s'annonce très mal pour nos cochons, voici des choses qui vous porteront malheur, essayez de les éviter. Vos couleurs malchanceuses, le rouge, le bleu, le vert. Donc, on regarde pas le beau ciel bleu, la nature verdoyante ou le rouge à lèvres, c'est non. Vos chiffres malchanceux, le 1 et le 7, et tous les nombres le contenant, donc pas trop d'inquiétude pour vous, tant que le 6 et le 9 sont bons, on s'en fait pas. Je suis en train de m'étouffer. Votre direction malchanceuse est le sud-est. Ici, je ne sais pas trop quoi dire. Une direction malchanceuse, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être pour ceux qui font du feng shui ou feng shui, peu importe, on s'en fout. Voilà, vos couleurs chanceuses seront le jaune et le marron. C'est le fun, le marron, une couleur que j'arrive même pas à identifier. Pour nous aider, il existe plusieurs couleurs de marron, dont le sépia, marron sépia. Ça m'aide pas plus, donc disons que c'est juste le jaune qui vous portera chance. Voilà, déjà fini, on termine ce Lobster là-dessus. Je vous souhaite une bonne année à tous ceux qui vont fêter ce soir. Pour ceux qui ont le goût d'entendre, de faire des demandes spéciales, juste envoyez ça via la page Facebook du Lobster. Et nous, on se reparle bientôt. Bonne semaine! Maquilleuse à la pharmacie de la prairie, coach de vie et maintenant entrepreneur! Wouhou! La vie nous apporte souvent des petits bonheurs, que ce soit le sourire d'un enfant ou la face de ta gérante quand elle a pété super fort à son mariage. Ça, c'était une belle journée. Aujourd'hui, mon bonheur, c'est de vous montrer la vidéo de promotion du Centre du Souci, Gabi Gravel! Don't worry! Be Gabi! Prestigieuse clinique du souci, Gabi Gravel. Ici Gabi Gravel, graduée de l'Academy of Souci de Londres. Venez me visiter à mon poste de travail de la pharmacie de la prairie. Vous y découvrirez un équipement à la fine pointe de la technologie soucilienne. On peut vivre avec un seul poumon, mais à quoi bon vivre sans deux beaux sourcils bien trimés? J'ai pour mon dire, une femme sans souci, ça avait juste l'air d'une grosse couleuvre avec des cheveux. Alors voici 5 avantages d'avoir les sourcils bien trimés. Un beau sourcil aide à développer l'estime de soi. C'est le fun d'entendre le monde dire « Fuck! A plus l'air d'une grosse truie malpropre! » Une bonne trim t'empêche d'avoir des sourcils féministes. Personne veut ça. Des sourcils moins touffus te permettent de frotter deux bâtons sans que le feu te pogne dans le front. C'est un pensez-y bien. Des moins gros sourcils diminuent les chances de te faire pondre un œuf de perdrix d'en face en période de nidification. Ça, je l'ai inventé un peu. Plus tu t'épiles, moins t'as de résistance au vent. Donc, économie d'essence en moto. D'autres raisons en rafale. Les filles qui ont de gros sourcils rampent des arbres en marchant. Un beau sourcil enlève l'attention d'une face de cul de jument. Un sourcil soigné faisait aux gérants de banque. Hey, si elle s'occupe de ses finances personnelles comme de ses sourcils, elle va l'avoir son hypothèque. Combien ça coûte? 30$ pour les deux sourcils, 15$ pour la demi-face ou 12 cents le poil. J'offre teinture, épilation ou physiothérapie après l'ablation d'un sourcil pour des raisons médicales. Les prix sont sujets à changement sans préavis pour les filles vraiment touffues. Et maintenant, les bloopers de tournage! Hey, la boîte de Kleenex est vide! Ça s'invente pas! Merci, la vie! La solution à un souci rebelle, c'est la clinique du souci Gabi Gravel! Sitting on a sunbeam in the middle of